Première partie, livre 5, suite. Les fats de Paris, qui accompagnaient aux États messieurs les gens du roi, racontaient que nous autres, au bureau, nous faisions doubler nos poches de fer blanc afin de porter à nos femmes les fricassées de poulet de monsieur le commandant. On payait cher ces railleries. Un comte de Sabran était naguère resté sur la place en échange de ses mauvais propos. Ce descendant des troubadours et des rois provençaux, grand comme un Suisse, se fit tuer par un petit chasse-lièvre du Morbihan, de la hauteur d'un lapon. Ce caire ne le cédait point à son adversaire en généalogie. Si saint Elzéard de Sabran était proche parent de saint Louis, saint Corentin, grand-oncle du très noble caire, était évêque de Quimper, sous le roi Galon II, 300 ans avant Jésus-Christ. Le revenu du roi en Bretagne consistait dans le don gratuit, variable selon les besoins. Dans le produit du domaine de la couronne, qu'on pouvait évaluer de 300 000 à 400 000 francs, dans la perception du timbre, etc. La Bretagne avait ses revenus particuliers, qui lui servaient à faire face à ses charges. Le grand et le petit devoir, qui frappaient les liquides et le mouvement des liquides, fournissant 2 millions annuels. Enfin, les sommes rentrant par le fouage. On ne se doute guère de l'importance du fouage dans notre histoire. Cependant, il fut à la Révolution de France ce que fut le timbre à la Révolution des États-Unis. Le fouage, quensus pro singulis, focis exactus, était un cens ou une espèce de taille exigée par chaque feu sur les biens roturiers. Avec le fouage graduellement augmenté, se payaient les dettes de la province. En temps de guerre, les dépenses s'élevaient à plus de 7 millions d'une session à l'autre, somme qui primait la recette. On avait conçu le projet de créer un capital des deniers provenus du fouage et de le constituer en rente au profit des fouagistes. Le fouage n'eût plus alors été qu'un emprunt. L'injustice, bien qu'injustice légale au terme du droit coutumier, était de le faire porter sur la seule propriété roturière. Les communes ne cessaient de réclamer. La noblesse, qui tenait moins à son argent qu'à ses privilèges, ne voulait pas entendre parler d'un impôt qui l'aurait rendu taillable. Telle était la question quand se réunirent les sanglants États de Bretagne du mois de décembre 1788. Les esprits étaient alors agités par diverses causes. L'assemblée des notables, l'impôt territorial, le commerce des grains, la tenue prochaine des États généraux et l'affaire du collier, la cour plénière et le mariage de Figaro, les grands bailliages et Cagliostro et Mesmer, mille autres incidents graves ou futiles étaient l'objet des controverses dans toutes les familles. La noblesse bretonne, de sa propre autorité, s'était convoquée à Rennes pour protester contre l'établissement de la cour plénière. Je me rendis à cette diète. C'est la première réunion politique où je me sois trouvé de ma vie. J'étais étourdi et amusé des cris que j'entendais. On montait sur les tables et sur les fauteuils. On gesticulait, on parlait tous à la fois. Le marquis de Trémargat, Jambe de bois, disait d'une voix de stentor « Allons tous chez le commandant, monsieur de Thiard. Nous lui dirons, la noblesse bretonne est à votre porte. Elle demande à vous parler, le roi même ne la refuserait pas. » À ce trait d'éloquence, les bravos ébranlaient les voûtes de la salle. Ils recommençaient « Le roi même ne la refuserait pas. » Les huchés et les trépignements redoublaient. Nous allâmes chez monsieur le comte de Thiard, homme de cour, poète érotique, esprit doux et frivole, mortellement ennuyé de notre vacarme. Il nous regardait comme des houhous, des sangliers, des bêtes fauves. Il brûlait d'être hors de notre armorique et n'avait nulle envie de nous refuser l'entrée de son hôtel. Notre orateur lui dit ce qu'il voulut, après quoi nous vîmes rédiger cette déclaration. Déclarons infâmes ceux qui pourraient accepter quelque place, soit dans l'administration nouvelle de la justice, soit dans l'administration des États, qui ne seraient pas avoués par les lois constitutives de la Bretagne. 12 gentilshommes furent choisis pour porter cette pièce au roi. À leur arrivée à Paris, on les coffra à la Bastille, d'où ils sortirent bientôt en façon de héros. Ils furent reçus à leur retour avec des branches de laurier. Nous portions des habits avec de grands boutons de nacre semés d'hermine, autour desquels boutons était écrite en latin cette devise plutôt mourir que de se déshonorer. Nous triomphions de la cour dont tout le monde triomphait et nous tombions avec elle dans le même abîme. Ce fut à cette époque que mon frère, suivant toujours ses projets, prit le parti de me faire agréger à l'ordre de Malte. Il fallait pour cela me faire entrer dans la cléricature. Elle pouvait m'être donnée par M. Courtois de Pressigny, évêque de Saint-Malo. Je me rendis donc dans ma ville natale, où mon excellente mère s'était retirée. Elle n'avait plus ses enfants avec elle. Elle passait le jour à l'église, la soirée à tricoter. Ses distractions étaient inconcevables. Je la rencontrai un matin dans la rue, portant une de ses pantoufles sous son bras, en guise de livre de prière. De fois à autre pénétraient dans sa retraite quelques vieux amis, et ils parlaient du bon temps. Lorsque nous étions tête à tête, elle me faisait de beaux contes en vers qu'elle improvisait. Dans un de ces contes, le diable emportait une cheminée avec un mécréant, et le poète s'écriait « Le diable en la venue chemina tant et tant qu'on en perdit la vue en moins d'une heure de temps. Il me semble, dis-je, que le diable ne va pas bien vite. » Mais Madame de Chateaubriand me prouva que je n'y entendais rien. Elle était charmante, ma mère. Elle avait une longue complainte sur le récit véritable d'une canne sauvage en la ville de Montfort-la-Canne-lès-Saint-Malo. Certains seigneurs avaient renfermé une jeune fille d'une grande beauté dans le château de Montfort, à dessein de lui ravir l'honneur. À travers une lucarne, elle apercevait l'église de Saint-Nicolas. Elle pria le saint avec des yeux pleins de larmes et elle fut miraculeusement transportée hors du château. Mais elle tomba entre les mains des serviteurs du félon qui voulurent en user avec elle comme ils supposaient qu'en avait fait leur maître. La pauvre fille éperdue, regardant de tous côtés pour chercher quelque secours, n'aperçut que des cannes sauvages sur l'étang du château. Renouvelant sa prière à Saint-Nicolas, elle le supplia de permettre à ses animaux d'être témoins de son innocence, afin que si elle devait perdre la vie et qu'elle ne pût accomplir les vœux qu'elle avait faits à Saint-Nicolas, les oiseaux les remplissent eux-mêmes à leur façon, en son nom et pour sa personne. La fille mourut dans l'année. Voici qu'à la translation des eaux de Saint-Nicolas, le 9 mai, une canne sauvage, accompagnée de ses petits canetons, vint à l'église de Saint-Nicolas. Elle y entra et voltigea devant l'image du bienheureux libérateur pour lui applaudir par le battement de ses ailes, après quoi elle retourna à l'étang, ayant laissé un de ses petits en offrande. Quelque temps après, le caneton s'en retourna sans qu'on s'en aperçût. Pendant 200 ans et plus, la canne, toujours la même canne, est revenue à jour fixe, avec sa couvée, dans l'église du grand Saint-Nicolas, à Montfort. L'histoire en a été écrite et imprimée en 1652. L'auteur remarque fort justement que c'est une chose peu considérable devant les yeux de Dieu qu'une chétive canne sauvage. Que néanmoins elle tient sa partie pour rendre hommage à sa grandeur, que la cigale de Saint-François était encore moins prisable, et que pourtant ses fredons charmaient le cœur d'un séraphin. Mais Madame de Chateaubriand suivait une fausse tradition. Dans sa complainte, la fille renfermée à Montfort était une princesse, laquelle obtint d'être changée en canne pour échapper à la violence de son vainqueur. Je n'ai retenu que ces vers d'un couplet de la romance de ma mère. Canne, la belle, est devenue, canne, la belle, est devenue, et s'envola par une grille dans un étang plein de lentilles. Comme Madame de Chateaubriand était une véritable sainte, elle obtint de l'évêque de Saint-Malo la promesse de me donner la cléricature. Il s'en faisait scrupule. La marque ecclésiastique donnée à un laïc et à un militaire lui paraissait une profanation qui tenait de la simonie. M. Courtois de Pressigny, aujourd'hui archevêque de Besançon et pair de France, est un homme de bien et de mérite. Il était jeune alors, protégé de la reine et sur le chemin de la fortune, où il est arrivé plus tard par une meilleure voie, la persécution. Je me mis à genoux en uniforme, l'épée au côté, au pied du prélat. Il me coupa 2 ou 3 cheveux sur le sommet de la tête. Cela s'appela tonsure, de laquelle je reçus lettres en bonne forme. Avec ces lettres, 200 000 livres de rente pouvaient m'échoir, quand mes preuves de noblesse auraient été admises à Malte. Abus sans doute dans l'ordre ecclésiastique, mais chose utile dans l'ordre politique de l'ancienne constitution. Ne valait-il pas mieux qu'une espèce de bénéfice militaire s'attachât à l'épée d'un soldat qu'à la mantille d'un abbé, lequel aurait mangé sa grâce prieurée sur les pavés de Paris? La cléricature à moi conférée pour les raisons précédentes a fait dire par des biographes mal informés que j'étais d'abord entré dans l'église. Ceci se passait en 1788. J'avais des chevaux, je parcourais la campagne où je galopais le long des vagues, mes gémissantes et anciennes amies. Je descendais de cheval et je me jouais avec elles. Toute la famille aboyante de Scylla sautait à mes genoux pour me caresser. Nunc vada latrantis Scyllae. Je suis allé bien loin admirer les scènes de la nature. Je m'aurais pu contenter de celles que m'offrait mon pays natal. Rien de plus charmant que les environs de Saint-Malo, dans un rayon de 5 à 6 lieues. Les bords de la Rance, en remontant cette rivière depuis son embouchure jusqu'à Dinan, mériteraient seuls d'attirer les voyageurs. Mélange continuel de rochers et de verdure, de grèves et de forêts, de criques et de hameaux, d'antiques manoirs de la Bretagne féodale et d'habitations modernes de la Bretagne commerçante, celles-ci ont été construites en un temps où les négociants de Saint-Malo étaient si riches que, dans leurs jours de goguette, ils fricassaient des piastres et les jetaient toutes bouillantes au peuple par les fenêtres. Ces habitations sont d'un grand luxe. Bonaban, château de messieurs de la Saudre, est en partie de marbre, à portée de Gênes, magnificence dont nous n'avons pas même l'idée à Paris. La Briantais, le Bosc, le Montmarin, la Balue, le Colombier, sont ou étaient ornés d'orangeries, d'eau jaillissante et de statues. Quelquefois les jardins descendent en pente au rivage, derrière les arcades d'un portique de tilleul, à travers une colonnade de pins, au bout d'une pelouse. Par-dessus les tulipes d'un parterre, la mer présente ses vaisseaux, son calme et ses tempêtes. Chaque paysan, matelot ou laboureur, est propriétaire d'une petite bastide blanche, avec un jardin. Parmi les herbes potagères, les groseilliers, les rosiers, les iris, les soucis de ce jardin, on trouve un plant de thé de Cayenne, un pied de tabac de Virginie, une fleur de la Chine, enfin quelques souvenirs d'une autre rive et d'un autre soleil. C'est l'itinéraire et la carte du maître du lieu. Les tenanciers de la côte sont d'une belle race normande. Les femmes grandes, minces, agiles, portent des corsets de laine grise, des jupons courts de calmandre et de soie rayée, des bas blancs à coins de couleur. Leur front est ombragé d'une large coiffe de basin ou de batiste, dont les pattes se relèvent en forme de béret ou flottent en manière de voile. Une chaîne d'argent à plusieurs branches pend à leur côté gauche. Tous les matins au printemps, ces filles du Nord, descendant de leur barque, comme si elles venaient encore envahir la contrée, apportent au marché des fruits dans des corbeilles et des caillebottes dans des coquilles. Lorsqu'elles soutiennent d'une main sur leur tête des vases noirs remplis de lait ou de fleurs, que les barbes de leurs cornettes blanches accompagnent leurs yeux bleus, leurs visages roses, leurs cheveux blonds emperlés de rosée, les valkyries de Léda, dont la plus jeune est l'avenir, ou les canéphores d'Athènes n'avaient rien d'aussi gracieux. Ce tableau ressemble-t-il encore? Ces femmes sans doute ne sont plus, il n'en reste que mon souvenir. Je quittai ma mère et j'allai voir mes sœurs aînées aux environs de Fougères. Je demeurai un mois chez madame de Châteaubourg. Ces deux maisons de campagne, l'Ascardet et le Plessis, près de Saint-Aubin-du-Cormier, célèbre par sa tour et sa bataille, étaient situées dans un pays de roches, de landes et de bois. Ma sœur avait pour régisseur M. Livoret, jadis jésuite, auquel il était arrivé une étrange aventure. Quand il fut nommé régisseur à l'Ascardet, le comte de Châteaubourg, le père, venait de mourir. M. Livoret, qui ne l'avait pas connu, fut installé gardien du castel. La première nuit qu'il y coucha seul, il vit entrer dans son appartement un vieillard pâle, en robe de chambre, en bonnet de nuit, portant une petite lumière. L'apparition s'approche de l'âtre, pose son bougeoir sur la cheminée, rallume le feu et s'assied dans un fauteuil. M. Livoret tremblait de tout son corps. Après 2 heures de silence, le vieillard se lève, reprend sa lumière et sort de la chambre en fermant la porte. Le lendemain, le régisseur conta son aventure aux fermiers qui, sur la description de la lémure, affirmèrent que c'était leur vieux maître. Tout ne finit pas là. Si M. Livoret regardait derrière lui dans une forêt, il apercevait le fantôme. S'il avait à franchir un échalier dans un champ, l'ombre se mettait à califourchon sur l'échalier. Un jour, le misérable obsédé s'étant hasardé à lui dire « Monsieur de Châteaubourg, laissez-moi !» Le revenant répondit « Non !» Monsieur Livoret, homme froid et positif, très peu brillant d'imaginative, racontait tant qu'on voulait son histoire, toujours de la même manière et avec la même conviction. Un peu plus tard, j'accompagnai en Normandie un brave officier atteint d'une fièvre cérébrale. On nous logea dans une maison de paysans. Une vieille tapisserie, prêtée par le seigneur du lieu, séparait mon lit de celui du malade. Derrière cette tapisserie, on saignait le patient. En délassement de ses souffrances, on le plongeait dans des bains de glace. Il grelottait dans cette torture, les ongles bleus, le visage violet et grincé, les dents serrées, la tête chauve, une longue barbe descendant de son menton pointu et servant de vêtement à sa poitrine nue, maigre et mouillée. Quand le malade s'attendrissait, il ouvrait un parapluie, croyant se mettre à l'abri de ses larmes. Si le moyen était sûr contre les pleurs, il faudrait élever une statue à l'auteur de la découverte. Mes seuls bons moments étaient ceux où je m'allais promener dans le cimetière de l'église du hameau, bâti sur un tertre. Mes compagnons étaient les morts, quelques oiseaux et le soleil qui se couchait. Je rêvais à la Société de Paris, à mes premières années, à mon fantôme, à ces bois de Combourg dont j'étais si près par l'espace, si loin par le temps. Je retournais à mon pauvre malade. C'était un aveugle conduisant un aveugle. Hélas, un coup, une chute, une peine morale raviront à Homère, à Newton, à Bossuet, leur génie, et ces hommes divins, au lieu d'exciter une pitié profonde, un regret amer et éternel, pourraient être l'objet d'un sourire. Beaucoup de personnes que j'ai connues et aimées ont vu se troubler leur raison auprès de moi comme si je portais le germe de la contagion. Je ne m'explique le chef-d'œuvre de Cervantes et sa gaieté cruelle que par une réflexion triste. En considérant l'être entier, en pesant le bien et le mal, on serait tenté de désirer tout accident qui porte à l'oubli, comme un moyen d'échapper à soi-même. Un ivrogne joyeux est une créature heureuse. Religion à part, le bonheur est de s'ignorer et d'arriver à la mort sans avoir senti la vie. Je ramenai mon compatriote parfaitement guéri. Madame Lucile et Madame de Farcy, revenues avec moi en Bretagne, voulaient retourner à Paris, mais je fus retenu par les troubles de la province. Les états étaient semoncés pour la fin de décembre 1788. La commune de Rennes, et après elle les autres communes de Bretagne, avaient pris un arrêté qui défendait à leurs députés de s'occuper d'aucune affaire avant que la question des fouages n'eût été réglée. Le comte de Boisgélin, qui devait présider l'ordre de la noblesse, se hâta d'arriver à Rennes. Les gentilshommes furent convoqués par lettres particulières, y compris ceux qui, comme moi, étaient encore trop jeunes pour avoir voix délibérative. Nous pouvions être attaqués. Il fallait compter les bras autant que les suffrages. Nous nous rendîmes à notre poste. Plusieurs assemblées se tinrent chez M. de Boisgélin, avant l'ouverture des états. Toutes les scènes de confusion auxquelles j'avais assisté se renouvelèrent. Le chevalier de guerre, le marquis de Trémargat, mon oncle, le comte de Bédée, qu'on appelait Bédée l'artichaut à cause de sa grosseur, par opposition à un autre Bédée, long et effilé, qu'on nommait Bédée l'asperge, cassèrent plusieurs chaises en grimpant dessus pour pérorer. Le marquis de Trémargat, officier de marine à jambes de bois, faisait beaucoup d'ennemis à son ordre. On parlait un jour d'établir une école militaire où seraient élevés les fils de la pauvre noblesse. Un membre du tiers s'écria « Et nos fils, qu'auront-ils ?» L'hôpital repartit Trémargat, mot qui, tombé dans la foule, germa promptement. Je m'aperçus au milieu de ces réunions d'une disposition de mon caractère que j'ai retrouvée depuis dans la politique et dans les armes. Plus mes collègues ou mes camarades s'échauffaient, plus je me refroidissais. Je voyais mettre le feu à la tribune ou au canon avec indifférence. Je n'ai jamais salué la parole ou le boulet. Le résultat de nos délibérations fut que la noblesse traiterait d'abord des affaires générales et ne s'occuperait du fouage qu'après la solution des autres questions, résolution directement opposée à celle du tiers. Les gentilshommes n'avaient pas grande confiance dans le clergé, qui les abandonnait souvent, surtout quand il était présidé par l'évêque de Rennes, personnage patelin, mesuré, parlant avec un léger aisément qui n'était pas sans grâce, et se ménageant des chances à la cour. Un journal, La Sentinelle du Peuple, rédigé à Rennes par un écrivailleur arrivé de Paris, fomentait les haines. Les états se tinrent dans le couvent des Jacobins sur la place du palais. Nous entrâmes, avec les dispositions qu'on vient de voir, dans la salle des séances. Nous n'y fûmes pas plus tôt établis que le peuple nous assiégea. Les 25, 26, 27 et 28 janvier 1789 furent des jours malheureux. Le comte de Thiard avait peu de troupes. Chef indécis et sans vigueur, il se remuait et n'agissait point. L'école de droit de Rennes, à la tête de laquelle était Moreau, avait envoyé quérir les jeunes gens de Nantes. Ils arrivaient au nombre de 400, et le commandant, malgré ses prières, ne les put empêcher d'envahir la ville. Des assemblées, en sens divers, au champ Montmorin et dans les cafés, en étaient venues à des collisions sanglantes. Là, d'être bloqués dans notre salle, nous prîmes la résolution de saillir dehors, l'épée à la main. Ce fut un assez beau spectacle. Au signal de notre président, nous tirâmes nos épées tous à la fois au cri de « Vive la Bretagne !» et comme une garnison sans ressources, nous exécutâmes une furieuse sortie pour passer sur le ventre des assiégeants. Le peuple nous reçut avec des hurlements, des jets de pierres, des bourrades de bâtons ferrés et des coups de pistolet. Nous fîmes une trouée dans la masse de ces flots qui se refermaient sur nous. Plusieurs gentilshommes furent blessés, traînés, déchirés, chargés de meurtrissures et de contusions. Parvenus à grande peine à nous dégager, chacun regagna son logis. Des duels s'ensuivirent entre les gentilshommes, les écoliers de droit et leurs amis de Nantes. Un de ces duels eut lieu publiquement sur la place royale. L'honneur en resta au vieux Keralieu, officier de marine, attaqué, qui se battit avec une incroyable vigueur aux applaudissements de ses jeunes adversaires. Un autre attroupement s'était formé. Le comte de Montboucher aperçut dans la foule un étudiant nommé Uliac, auquel il dit « Monsieur, ceci nous regarde ». On se range en cercle autour d'eux, Montboucher fait sauter l'épée d'Uliac et la lui rend. On s'embrasse et la foule se disperse. Du moins, la noblesse bretonne ne succomba pas sans honneur. Elle refusa de députer aux États généraux parce qu'elle n'était pas convoquée selon les lois fondamentales de la constitution de la province. Elle alla rejoindre en grand nombre l'armée des princes, se fit décimer à l'armée de Condé, ou avec Charette dans les guerres vendéennes. Eût-elle changé quelque chose à la majorité de l'Assemblée nationale au cas de sa réunion à cette Assemblée? Cela n'est guère probable. Dans les grandes transformations sociales, les résistances individuelles, honorables pour les caractères, sont impuissantes contre les faits. Cependant, il est difficile de dire ce qu'aurait pu produire un homme du génie de Mirabeau, mais d'une opinion opposée s'il s'était rencontré dans l'ordre de la noblesse bretonne. Le jeune Boyu et Saint-Rivel, mon camarade de collège, avait péri avant ces rencontres, en se rendant à la chambre de la noblesse. Le premier fut en vain défendu par son père, qui lui servit de second. « Lecteur, je t'arrête. Regarde couler les premières gouttes de sang que la Révolution devait répandre. Le ciel a voulu qu'elle sortisse des veines d'un compagnon de mon enfance. Supposons ma chute au lieu de celle de Saint-Rivel. On eût dit de moi, en changeant seulement le nom, ce que l'on dit de la victime par qui commence la grande immolation. Un gentilhomme nommé Chateaubriand fut tué en se rendant à la salle des États. Ces deux mots auraient remplacé ma longue histoire. Saint-Rivel eût-il joué mon rôle sur la terre? Était-il destiné au bruit ou au silence? Passe maintenant, lecteur, franchis le fleuve de sang qui sépare à jamais le vieux monde dont tu sors, du monde nouveau à l'entrée duquel tu mourras. L'année 1789, si fameuse dans notre histoire et dans l'histoire de l'espèce humaine, me trouva dans les landes de ma Bretagne. Je ne pus même quitter la province qu'assez tard et n'arrivai à Paris qu'après le pillage de la maison Réveillon, l'ouverture des États généraux, la constitution du tiers-État en Assemblée nationale, le serment du jeu de paume, la séance royale du 23 juin, et la réunion du clergé et de la noblesse au tiers-état. Le mouvement était grand sur ma route. Dans les villages, les paysans arrêtaient les voitures, demandaient les passeports, interrogeaient les voyageurs. Plus on approchait de la capitale, plus l'agitation croissait. En traversant Versailles, je vis des troupes casernées dans l'orangerie, des trains d'artillerie parqués dans les cours. La salle provisoire de l'Assemblée nationale élevée sur la place du palais et des députés allant et venant parmi des curieux, des gens du château et des soldats. À Paris, les rues étaient encombrées d'une foule qui stationnait à la porte des boulangers. Les passants discouraient au coin des bornes, les marchands, sortis de leurs boutiques, écoutaient et racontaient des nouvelles devant leurs portes. Au Palais-Royal s'aggloméraient des agitateurs. Camille Desmoulins commençait à se distinguer dans les groupes. À peine fus-je descendu, avec Madame de Farcy et Madame Lucille, dans un hôtel garni de la rue de Richelieu, qu'une insurrection éclate. Le peuple se porte à l'abbaye pour délivrer quelques gardes françaises arrêtées par ordre de leur chef. Les sous-officiers d'un régiment d'artillerie caserné aux Invalides se joignent au peuple. La défection commence dans l'armée. La cour, tantôt cédant, tantôt voulant résister, mélange d'entêtement et de faiblesse, de bravacherie et de peur, se laisse morguer par Mirabeau qui demande l'éloignement des troupes et elle ne consent pas à les éloigner. Elle accepte l'affront et n'en détruit pas la cause. À Paris, le bruit se répand qu'une armée arrive par l'égout Montmartre, que des dragons vont forcer les barrières. On recommande de dépaver les rues, de monter les pavés au cinquième étage pour les jeter sur les satellites du tyran. Chacun se met à l'œuvre. Au milieu de ce brouillement, M. Necker reçoit l'ordre de se retirer. Le ministère changé se compose de M. de Breteuil, de la Galésière, du maréchal de Breuil, de la Vauguyon, de la Porte et de Foulon. Il remplaçait messieurs de Montmorin, de la Luzerne, de Saint-Priest et de Nivernais. Un poète breton, nouvellement débarqué, m'avait prié de le mener à Versailles. Il y a des gens qui visitent des jardins et des jets d'eau, au milieu du renversement des empires. Les barbouilleurs de papier ont surtout cette faculté de s'abstraire dans leur manie pendant les plus grands événements. Leurs phrases ou leurs strophes leur tient lieu de tout. Je menais mon pain d'art à l'heure de la messe dans la galerie de Versailles. L'œil de bœuf était rayonnant. Le renvoi de M. Necker avait exalté les esprits. On se croyait sûr de la victoire. Peut-être Samson et Simon, mêlés dans la foule, étaient spectateurs des joies de la famille royale. La reine passa avec ses deux enfants. Leurs chevelures blondes semblaient attendre des couronnes. Madame la duchesse d'Angoulême, âgée de 11 ans, attirait les yeux par un orgueil virginal. Belle de la noblesse du rang et de l'innocence de la jeune fille, elle semblait dire comme la fleur d'oranger de Corneille dans la guirlande de Julie « J'ai la pompe de ma naissance ». Le petit dauphin marchait sous la protection de sa sœur et M. Dutouchet suivait son élève. Il m'aperçut et me montra obligeamment à la reine. Elle me fit, en me jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu'elle m'avait déjà fait le jour de ma présentation. Je n'oublierai jamais ce regard qui devait s'éteindre sitôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche que le souvenir de ce sourire, chose effroyable, me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois quand on découvrit la tête de l'infortuné dans les exhumations de 1815. Note. Les 18 et 19 janvier 1815, en exécution des ordres du roi Louis XVIII, il fut procédé, dans le cimetière de la Madeleine, à la recherche des restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Chateaubriand était présent. Le 9 janvier 1816, à la Chambre des Pairs, dans son discours sur la résolution de la Chambre des députés, relative au deuil général du 21 janvier, il prononça les paroles suivantes. J'ai vu, messieurs, les ossements de Louis XVI mêlés dans la fosse ouverte avec la chaux vive qui avait consumé les chairs, mais qui n'a pu faire disparaître le crime. J'ai vu le squelette de Marie-Antoinette, intact, à l'abri d'une espèce de voûte qui s'était formée au-dessus d'elle, comme par miracle. La tête seule était déplacée, et dans la forme de cette tête, on pouvait encore reconnaître, ô Providence, les traits où respirait avec la grâce d'une femme toute la majesté d'une reine. Voilà ce que j'ai vu, messieurs. Voilà les souvenirs pour lesquels nous n'aurons jamais assez de larmes. Œuvre complète, tome 23, Opinions et discours, page 78. Fin de note. Le contre-coup du coup porté dans Versailles retentit à Paris. À mon retour, je rebroussais le cours d'une multitude qui portait les bustes de M. Necker et de M. le duc d'Orléans, couverts de crêpes. On criait « Vive Necker! Vive le duc d'Orléans !» et parmi ses cris, on en entendait un plus hardi et plus imprévu. « Vive Louis XVII !» Vive cet enfant, dont le nom même eût été oublié dans l'inscription funèbre de sa famille, si je ne l'avais rappelé à la chambre des pères. Note. Le nom de Louis XVII avait en effet été oublié. Chateaubriand, dans son discours du 9 janvier, releva en ces termes cette omission. Au milieu de tant d'objets de tristesse, on n'a pas assez également départi le tribut de nos larmes. À peine dans les projets divers a-t-on nommé ce roi enfant, ce jeune martyr, qui a chanté les louanges de Dieu dans la fournaise ardente. Est-ce parce qu'il a tenu si peu de place dans la vie et dans notre histoire que nous l'oublions, mais que ses souffrances ont dû rendre ses jours lents à couler, et que son règne a été long par la douleur? Jamais vieux roi, courbé sous les ennuis du trône, a-t-il porté un sceptre aussi lourd? Jamais la couronne a-t-elle pesé sur la tête de Louis XIV descendant dans la tombe, autant que le bandeau de l'innocence sur le front de Louis XVII sortant du berceau? Qu'est-il devenu, ce pupille royal laissé sous la tutelle du bourreau, cet orphelin qui pouvait dire, comme l'héritier de David, « Mon père et ma mère m'ont abandonné » Où est-il le compagnon des adversités, le frère de l'orpheline du temple? Où pourrais-je lui adresser cette interrogation terrible et trop connue? Capet, dors-tu? Lève-toi! Il se lève, messieurs, dans toute sa gloire céleste, et il vous demande un tombeau. Je propose d'ajouter à la résolution de la Chambre des députés un amendement qui complétera les résolutions du 21 janvier. Le roi sera humblement supplié d'ordonner qu'un monument soit élevé à la mémoire de Louis XVII au nom et aux frais de la nation. Opinions et discours, page 79. Fin de note. Louis XVI abdiquant, Louis XVII placé sur le trône, Monsieur le duc d'Orléans déclaré régent, que fut-il arrivé? Sur la place Louis XV, le prince de Lambesc, à la tête de royal allemand, refoule le peuple dans le jardin des Tuileries et blesse un vieillard. Soudain le tocsin sonne. Les boutiques des fourbisseurs sont enfoncées et 30 000 fusils enlevés aux invalides. On se pourvoit de piques, de bâtons, de fourches, de sabres, de pistolets. On pille Saint-Lazare. On brûle les barrières. Les électeurs de Paris prennent en main le gouvernement de la capitale et dans une nuit, 60 000 citoyens sont organisés, armés, équipés en garde nationale. Le 14 juillet, prise de la Bastille. J'assistais, comme spectateur, à cet assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur. Si l'on eût tenu les portes fermées, jamais le peuple ne fût entré dans la forteresse. Je vis tirer 2 ou 3 coups de canon, non par les invalides, mais par des gardes françaises, déjà montées sur les tours. Delaunay, arraché de sa cachette, après avoir subi 1000 outrages, est assommé sur les marches de l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, Flessel, a la tête cassée d'un coup de pistolet. C'est ce spectacle que des béats sans cœur trouvaient si beau. Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies, comme dans les troubles de Rome sous Othon et Vitilius. On promenait dans les fiacres les vainqueurs de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au cabaret. Des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient avec le respect de la peur, devant ces héros dont quelques-uns moururent de fatigue au milieu de leur triomphe. Les clés de la Bastille se multiplièrent, on en envoya à tous les niais d'importance dans les 4 parties du monde. Que de fois j'ai manqué ma fortune! Si moi, spectateur, je me fusse inscrit sur le registre des vainqueurs, j'aurais une pension aujourd'hui. Des experts accoururent à l'autopsie de la Bastille. Des cafés provisoires s'établirent sous des tentes. On s'y pressait, comme à la foire Saint-Germain ou à Longchamp. De nombreuses voitures défilaient ou s'arrêtaient au pied des tours dont on précipitait les pierres parmi des tourbillons de poussière. Des femmes élégamment parées, des jeunes gens à la mode, placés sur différents degrés des décombres gothiques, se mêlaient aux ouvriers demi-nus qui démolissaient les murs aux acclamations de la foule. À ce rendez-vous se rencontraient les orateurs les plus fameux, les gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés, les danseuses les plus en vogue, les étrangers les plus illustres, les seigneurs de la cour et les ambassadeurs de l'Europe, la vieille France était venue là pour finir, la nouvelle pour commencer. Tout événement, si misérable ou si odieux qu'il soit en lui-même, lorsque les circonstances en sont sérieuses et qu'il fait époque, ne doit pas être traité avec légèreté. Ce qu'il fallait voir dans la prise de la Bastille, et ce que l'on ne vit pas alors, c'était non l'acte violent de l'émancipation d'un peuple, mais l'émancipation même, résultat de cet acte. On admira ce qu'il fallait condamner, l'accident, et l'on n'alla pas chercher dans l'avenir les destinées accomplies d'un peuple, le changement des mœurs, des idées, des pouvoirs politiques, une rénovation de l'espèce humaine dont la prise de la Bastille ouvrait l'air comme un sanglant jubilé. La colère brutale faisait des ruines, et sous cette colère était cachée l'intelligence qui jetait parmi ces ruines les fondements du nouvel édifice. Mais la nation qui se trompa sur la grandeur du fait matériel ne se trompa pas sur la grandeur du fait moral. La Bastille était à ses yeux le trophée de sa servitude. Elle lui semblait élevée à l'entrée de Paris, en face des 16 piliers de Montfaucon, comme le gibet de ses libertés. En rasant une forteresse d'État, le peuple crut briser le joug militaire et prit l'engagement tacite de remplacer l'armée qu'il licenciait. On sait quel prodige enfanta le peuple devenu soldat. Réveillé au bruit de la chute de la Bastille, comme au bruit avant-coureur de la chute du trône, Versailles avait passé de la jactance à l'abattement. Le roi accourt à l'Assemblée nationale, prononce un discours dans le fauteuil même du président. Il annonce l'ordre donné aux troupes de s'éloigner et retourne à son palais au milieu des bénédictions. Parades inutiles. Les partis ne croient point à la conversion des partis contraires. La liberté qui capitule ou le pouvoir qui se dégrade n'obtient point merci de ses ennemis. 80 députés partent de Versailles pour annoncer la paix à la capitale. Illumination, M. Bailly est nommé maire de Paris, M. de Lafayette, commandant de la garde nationale. Je n'ai connu le pauvre mais respectable savant que par ses malheurs. Les révolutions ont des hommes pour toute leur période. Les uns suivent ces révolutions jusqu'au bout, les autres les commencent mais ne les achèvent pas. Tout se dispersa, les courtisans partirent pour Bâle, Lausanne, Luxembourg et Bruxelles. Madame de Polignac rencontra, en fuyant, M. Necker qui rentrait. Le comte d'Artois, ses fils, les trois Condés, émigrèrent. Ils entraînèrent le haut clergé et une partie de la noblesse. Les officiers, menacés par leurs soldats insurgés, cédèrent au torrent qui les charriait hors. Louis XVI demeura seul devant la nation, avec ses deux enfants et quelques femmes, la reine, mesdames et madame Élisabeth. Monsieur, qui resta jusqu'à l'évasion de Varennes, n'était pas d'un grand secours à son frère. Bien que, en opinant dans l'assemblée des notables pour le vote par tête, il eût décidé le sort de la révolution s'en défiait. Lui, monsieur, avait peu de goût pour le roi, ne comprenait pas la reine et n'était pas aimé d'eux. Louis XVI vint à l'hôtel de ville le 17, 100 000 hommes, armés comme les moines de la Ligue, le reçurent. Il est harangué par messieurs Bailly, Moreau de Saint-Méry et Lalit Hollandal, qui pleurèrent. Le dernier est resté sujet aux larmes. Le roi s'attendrit à son tour. Il mit à son chapeau une énorme cocarde tricolore. On le déclara sur place, honnête homme, père des Français, roi d'un peuple libre, lequel peuple se préparait, en vertu de sa liberté, à abattre la tête de cet honnête homme, son père et son roi. Peu de jours après ce raccommodement, j'étais aux fenêtres de mon hôtel garni avec mes sœurs et quelques Bretons. Nous entendons crier « Fermez les portes, fermez les portes !» Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue. Du milieu de ce groupe s'élevaient deux étendards que nous ne voyons pas bien de loin. Lorsqu'ils s'avancèrent, nous distinguâmes deux têtes échevelées et défigurées que les devanciers de Marat portaient chacune au bout d'une pique. C'étaient les têtes de messieurs Foulon et Berthier. Tout le monde se retira des fenêtres. J'y restai. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. L'œil d'une de ses têtes, sorti de son orbite, descendait sur le visage obscur du mort. La pique traversait la bouche ouverte, dont les dents mordaient le fer. « Brigand ! » m'écriai-je, plein d'une indignation que je ne pus contenir. « Est-ce comme cela que vous entendez la liberté ?» Si j'avais eu un fusil, j'aurais tiré sur ces misérables comme sur des loups. Ils poussèrent des hurlements, frappèrent à coups redoublés à la porte cochère pour l'enfoncer et joindre ma tête à celle de leur victime. Mes sœurs se trouvèrent mal, les poltrons de l'hôtel m'accablèrent de reproches. Les massacreurs qu'on poursuivait n'eurent pas le temps d'envahir la maison et s'éloignèrent. Ces têtes et d'autres que je rencontrai bientôt après changèrent mes dispositions politiques. J'eus horreur des festins de cannibales, et l'idée de quitter la France pour quelque pays lointain germa dans mon esprit. Rappelé au ministère le 25 juillet, inauguré, accueilli par des fêtes, M. Necker, troisième successeur de Turgot, après Calonne et Taboureau, fut bientôt dépassé par les événements et tomba dans l'impopularité. C'est une des singularités du temps qu'un aussi grave personnage eût été élevé au poste de ministre par le savoir-faire d'un homme aussi médiocre et aussi léger que le marquis de Pezet. Le compte rendu, qui substitua en France le système de l'emprunt à celui de l'impôt, remua les idées. Les femmes discutaient de dépenses et de recettes. Pour la première fois, on voyait ou l'on croyait voir quelque chose dans la machine à chiffres. Ces calculs, peint d'une couleur à la Thomas, avait établi la première réputation du directeur général des finances. Habile teneur de caisse, mais économiste sans expédient, écrivain noble mais enflé, honnête homme mais sans haute vertu, le banquier était un de ces anciens personnages d'avant-scène qui disparaissent au lever de la toile après avoir expliqué la pièce au public. M. Necker est le père de Mme de Staël. Sa vanité ne lui permettait guère de penser que son vrai titre au souvenir de la postérité serait la gloire de sa fille. La monarchie fut démolie à l'instar de la Bastille, dans la séance du soir de l'Assemblée nationale du 4 août. Ceux qui, parraines du passé, crient aujourd'hui contre la noblesse, oublient que ce fut un membre de cette noblesse, le vicomte de Noailles, soutenu par le duc d'Aiguillon et par Mathieu de Montmorency, qui renversa l'édifice, objet des préventions révolutionnaires. Sur la motion du député féodal, les droits féodaux, les droits de chasse, de colombier et de garenne, les dîmes et champarts, les privilèges des ordres, des villes et des provinces, les servitudes personnelles, les justices seigneuriales, la vénalité des offices furent abolis. Les plus grands coups portés à l'antique constitution de l'État le furent par des gentilshommes. Les patriciens commencèrent la révolution, les plébéiens l'achevèrent. Comme la vieille France avait dû sa gloire à la noblesse française, la jeune France lui doit sa liberté, si liberté il y a pour la France. Les troupes campées aux environs de Paris avaient été renvoyées, et par un de ces conseils contradictoires qui tiraillaient la volonté du roi, on appela le régiment de Flandre à Versailles. Les gardes du corps donnèrent un repas aux officiers de ce régiment. Les têtes s'échauffèrent. La reine parut au milieu du banquet avec le dauphin. On porta la santé de la famille royale. Le roi vint à son tour. La musique militaire joue l'air touchant et favori. Ô Richard, ô mon roi ! À peine cette nouvelle s'est-elle répandue à Paris que l'opinion opposée s'en empare. On s'écrit que Louis refuse sa sanction à la déclaration des droits pour s'enfuir à Metz avec le comte d'Estaing. Marat propage cette rumeur, il écrivait déjà l'ami du peuple. Le 5 octobre arrive, je ne fus point témoin des événements de cette journée. Le récit en parvint de bonne heure le 6 dans la capitale. On nous annonce en même temps une visite du roi. Timide dans les salons, j'étais hardi sur les places publiques. Je me sentais fait pour la solitude ou pour le forum. Je courus aux Champs-Élysées. D'abord parurent des canons, sur lesquels des harpies, des larronnesses, des filles de joie montées à califourchon, tenaient les propos les plus obscènes et faisaient les gestes les plus immondes. Puis, au milieu d'une horde de tout âge et de tout sexe, marchaient à pied les gardes du corps, ayant changé de chapeaux, d'épées et de baudriers avec les gardes nationaux. Chacun de leurs chevaux portait deux ou trois poissardes, sales bacchantes, ivres et débraillés. Ensuite venait la députation de l'Assemblée nationale. Les voitures du roi suivaient. Elles roulaient dans l'obscurité poudreuse d'une forêt de piques et de baïonnettes. Des chiffonniers en lambeaux, des bouchers, tabliers sanglants aux cuisses, couteaux nus à la ceinture, manches de chemise retroussées, cheminaient aux portières. D'autres, égypans noirs, étaient grimpés sur l'impériale. D'autres, accrochés aux marchepieds des laquais, au siège des cochers, on tirait des coups de fusil et de pistolet, on criait « Voici le boulanger, la boulangère et le petit mitron !» Pour oriflamme, devant le fils de Saint-Louis, des hallebardes suisses élevaient en l'air deux têtes de garde du corps, frisées et poudrées par un perruquier de Sèvres. L'astronome Bailly déclara à Louis XVI, dans l'hôtel de ville, que le peuple humain, respectueux et fidèle, venait de conquérir son roi. Et le roi, de son côté, fort touché et fort content, déclara qu'il était venu à Paris de son plein gré. Indigne fausseté de la violence et de la peur, qui déshonorait alors toutes les parties et tous les hommes. Louis XVI n'était pas faux, il était faible. La faiblesse n'est pas une fausseté, mais elle en tient lieu et elle en remplit les fonctions. Le respect que doivent inspirer la vertu et le malheur du roi, saint et martyr, rend tout jugement humain presque sacrilège. Les députés quittèrent Versailles et tinrent leur première séance le 19 octobre, dans une des salles de l'archevêché. Le 9 novembre, ils se transportèrent dans l'enceinte du manège, près des Tuileries. Le reste de l'année 1789 vit les décrets qui dépouillèrent le clergé, détruisirent l'ancienne magistrature et créèrent les assignats, l'arrêté de la Commune de Paris pour le premier comité des recherches et le mandat des juges pour la poursuite du marquis de Favras. L'Assemblée constituante, malgré ce qui peut lui être reproché, n'en reste pas moins la plus illustre congrégation populaire qui jamais ait paru chez les nations, tant par la grandeur de ses transactions que par l'immensité de leurs résultats. Il n'y a si haute question politique qu'elle n'ait touchée et convenablement résolue. Que serait-ce si elle s'en fût tenue au cahier des États généraux et n'eût pas essayé d'aller au-delà? Tout ce que l'expérience et l'intelligence humaine avaient conçu, découvert et élaboré pendant 3 siècles se trouve dans ces cahiers. Les abus divers de l'ancienne monarchie y sont indiqués et les remèdes proposés. Tous les genres de liberté sont réclamés, même la liberté de la presse. Toutes les améliorations demandées pour l'industrie, les manufactures, le commerce, les chemins, l'armée, l'impôt, les finances, les écoles, l'éducation publique, etc. Nous avons traversé sans profit des abîmes de crimes et d'états de gloire. La République et l'Empire n'ont servi à rien. L'Empire a seulement réglé la force brutale des bras que la République avait mis en mouvement. Il nous a laissé la centralisation. Administration vigoureuse que je crois un mal, mais qui peut-être pouvait seule remplacer les administrations locales alors qu'elles étaient détruites, et que l'anarchie avec l'ignorance était dans toutes les têtes. À cela près, nous n'avons pas fait un pas depuis l'Assemblée constituante. Ces travaux sont comme ceux du grand médecin de l'Antiquité, lesquels ont à la fois reculé et posé les bornes de la science. Parlons de quelques membres de cette assemblée et arrêtons-nous à Mirabeau, qui les résume et les domine tous. Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie aux plus grands événements et à l'existence des repris de justice, des ravisseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de l'aristocratie, député de la démocratie, avait du Gracchus et du Don Juan, du Catilina et du Guzman d'Alfarache, du cardinal de Richelieu et du cardinal de Retz, du roué de la Régence et du sauvage de la Révolution. Il avait de plus du Mirabeau, famille florentine exilée, qui gardait quelque chose de ses palais armés et de ses grands factieux célébrés par Dante. Famille naturalisée française, où l'esprit républicain du Moyen-Âge de l'Italie et l'esprit féodal de notre Moyen-Âge se trouvaient réunis dans une succession d'hommes extraordinaires. La laideur de Mirabeau, appliquée sur le fond de beauté particulière à sa race, produisait une sorte de puissante figure du jugement dernier de Michel-Ange, compatriote des Arrighetti. Les sillons creusés par la petite vérole sur le visage de l'orateur avaient plutôt l'air d'escarres laissées par la flamme. La nature semblait avoir moulé sa tête pour l'empire ou pour le gibet, taillé ses bras pour étreindre une nation ou pour enlever une femme. Quand il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Au milieu de l'effroyable désordre d'une séance, je l'ai vu à la tribune, sombre, laid et immobile. Il rappelait le chaos de Milton, impassible et sans forme, au centre de sa confusion. Mirabeau tenait de son père et de son oncle, qui, comme Saint-Simon, écrivait à la diable des pages immortelles. On lui fournissait des discours pour la tribune, il en prenait ce que son esprit pouvait amalgamer à sa propre substance. S'il les adoptait en entier, il les débitait mal. On s'apercevait qu'il n'était pas de lui par des mots qui l'y mêlaient d'aventure et qui le révélaient. Il tirait son énergie de ses vices. Ses vices ne naissaient pas d'un tempérament frigide. Il portait sur des passions profondes, brûlantes, orageuses. Le cynisme des mœurs ramène dans la société, en annihilant le sens moral, une sorte de barbare. Ces barbares de la civilisation, propres à détruire comme l'ego, n'ont pas la puissance de fonder comme eux. Ceux-ci étaient les énormes enfants d'une nature vierge. Ceux-là sont les avortons monstrueux d'une nature dépravée. Deux fois, j'ai rencontré Mirabeau à un banquet. Une fois chez la nièce de Voltaire, la marquise de Villette, une autre fois au Palais-Royal, avec des députés de l'opposition que Chapelier m'avait fait connaître. Chapelier est allé à l'échafaud, dans le même tombereau que mon frère et monsieur de Malesherbes. Mirabeau parla beaucoup, et surtout beaucoup de lui. Ce fils des lions, lion lui-même, à la tête de chimère, cet homme si positif dans les faits, était tout roman, tout poésie, tout enthousiasme par l'imagination et le langage. On reconnaissait l'amant de Sophie, exalté dans ses sentiments et capable de sacrifices. « Je la trouvais, dit-il, cette femme adorable. Je sus ce qu'était son âme, cette âme formée des mains de la nature dans un moment de magnificence. » Mirabeau m'enchanta de récits d'amour, de souhaits de retraite, dont il bigarrait des discussions arides. Il m'intéressait encore par un autre endroit. Comme moi, il avait été traité sévèrement par son père, lequel avait gardé comme le mien l'inflexible tradition de l'autorité paternelle absolue. Le grand convive s'étendit sur la politique étrangère et ne dit presque rien de la politique intérieure. C'était pourtant ce qui l'occupait. Mais il laissa échapper quelques mots d'un souverain mépris contre ces hommes, se proclamant supérieurs en raison de l'indifférence qu'ils affectent pour les malheurs et les crimes. Mirabeau était né généreux, sensible à l'amitié, facile à pardonner les offenses. Malgré son immoralité, il n'avait pu fausser sa conscience. Il n'était corrompu que pour lui. Son esprit droit et ferme ne faisait pas du meurtre une sublimité de l'intelligence. Il n'avait aucune admiration pour des abattoirs et des voiries. Cependant, Mirabeau ne manquait pas d'orgueil. Il se vantait outrageusement. Bien qu'il se fût constitué marchand de drap pour être élu par le tiers-état, l'ordre de la noblesse ayant eu l'honorable folie de le rejeter, il était épris de sa naissance. « Oiseau hagard, dont le nid fut entre quatre tourelles, » dit son père. Il n'oubliait pas qu'il avait paru à la cour, monté dans les carrosses et chassé avec le roi. Il exigeait qu'on le qualifiât du titre de comte. Il tenait à ses couleurs et couvrit ses gens de livrée quand tout le monde la quitta. Il citait à tout propos et hors de propos son parent, l'amiral de Coligny. Le moniteur l'ayant appelé Riquet, « Savez-vous, dit-il, avec emportement au journaliste, qu'avec votre Riquet, vous avez désorienté l'Europe pendant 3 jours ?» Il répétait cette plaisanterie impudente et si connue. « Dans une autre famille, mon frère, le vicomte, serait l'homme d'esprit et le mauvais sujet. Dans ma famille, c'est le sot et l'homme de bien. » Des biographes attribuent ce mot au vicomte, se comparant avec humilité aux autres membres de la famille. Le fond des sentiments de Mirabeau était monarchique. Il a prononcé ces belles paroles. « J'ai voulu guérir les Français de la superstition de la monarchie et y substituer son culte. » Dans une lettre destinée à être mise sous les yeux de Louis XVI, il écrivait je ne voudrais pas avoir travaillé seulement à une vaste destruction. C'est cependant ce qui lui est arrivé. Le ciel, pour nous punir de nos talents mal employés, nous donne le repentir de nos succès. Mirabeau remuait l'opinion avec deux leviers. D'un côté, il prenait son point d'appui dans les masses dont il s'était constitué le défenseur en les méprisant. De l'autre, quoique traître à son ordre, il en soutenait la sympathie par des affinités de caste et des intérêts communs. Cela n'arrivait pas aux plébéiens, champions des classes privilégiées. Il serait abandonné de son parti sans gagner l'aristocratie, de sa nature ingrate et ingagnable quand on n'est pas né dans ses rangs. L'aristocratie ne peut d'ailleurs improviser un noble, puisque la noblesse est fille du temps. Mirabeau a fait école. En s'affranchissant des liens moraux, on a rêvé qu'on se transformait en homme d'État. Ces imitations n'ont produit que de petits pervers. Tel qui se flatte d'être corrompu et voleur n'est que débauché et fripon. Tel qui se croit vicieux n'est que vil. Tel qui se vante d'être criminel n'est qu'infâme. Trop tôt pour lui, trop tard pour elle, Mirabeau se vendit à la cour, et la cour l'acheta. Il mit en enjeu sa renommée devant une pension et une ambassade. Cromwell fut au moment de troquer son avenir contre un titre et l'ordre de la Jarretière. Malgré sa superbe, Mirabeau ne s'évaluait pas assez haut. Maintenant que l'abondance du numéraire et des places a élevé le prix des consciences, il n'y a pas de sottereau dont l'acquêt ne coûte des centaines de mille francs. C'est les premiers honneurs de l'État. La tombe délia Mirabeau de ses promesses et le mit à l'abri des périls que, vraisemblablement, il n'aurait pu vaincre. Sa vie eut montré sa faiblesse dans le bien. Sa mort l'a laissé en possession de sa force dans le mal. En sortant de notre dîner, on discutait des ennemis de Mirabeau. Je me trouvais à côté de lui et n'avais pas prononcé un mot. Il me regarda en face avec ses yeux d'orgueil, de vice et de génie, et m'appliquant sa main sur l'épaule, il me dit « Ils ne me pardonneront jamais ma supériorité. » Je sens encore l'impression de cette main, comme si Satan m'eût touché de sa griffe de feu. Lorsque Mirabeau fixa ses regards sur un jeune muet, eut-il un pressentiment de mes futuritions ? Pensa-t-il qu'il comparaîtrait un jour devant mes souvenirs ? J'étais destiné à devenir l'historien de hauts personnages. Ils ont défilé devant moi sans que je me sois appendu à leur manteau pour me faire traîner avec eux à la postérité. Mirabeau a déjà subi la métamorphose qui s'opère parmi ceux dont la mémoire doit demeurer. Porté du Panthéon à l'égout et reporté de l'égout au Panthéon, il s'est élevé de toute la hauteur du temps qui lui sert aujourd'hui de piédestal. On ne voit plus le Mirabeau réel, mais le Mirabeau idéalisé, le Mirabeau tel que le font les peintres pour le rendre le symbole ou le mythe de l'époque qu'il représente. Il devient ainsi plus faux et plus vrai. De tant de réputations, de tant d'acteurs, de tant d'événements, de tant de ruines, il ne restera que trois hommes, chacun d'eux attaché à chacune des trois grandes époques révolutionnaires. Mirabeau pour l'aristocratie, Robespierre pour la démocratie, Bonaparte pour le despotisme. La monarchie n'a rien, la France a payé cher trois renommées que ne peut avouer la vertu.